إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 6 avec le début de la quatrième règle, quatrième principe, القاعدة الرابعة, la quatrième règle. Le quatrième principe, parmi les quatre principes que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a expliqué dans cette risala, dans ce livre. Et avant de commencer à expliquer cette qaïda, j'aimerais juste revenir sur un point. Il y a un frère qui m'a demandé de clarifier quelque chose. Donc, Inch'Allah, dans le point précédent, on a expliqué dans le principe précédent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de distinction entre les différents groupes de mushrikin selon leur objet d'adoration. Peu importe qu'est-ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, il les a tous combattus. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre tous les mushrikin sans exception. Et donc le frère il demandait l'explication, qu'est-ce que ça signifie de combattre les mushrikin. Et donc, on sait que dans l'islam, il y a un principe qui s'appelle le djihad. Et le djihad, c'est un des principes parmi les règles de l'islam. Ça fait partie de la législation d'Allah. Ça fait partie de la religion d'Allah. Et c'est quelque chose qui a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala à plusieurs. D'entre les prophètes d'Allah, et on voit même que dans plusieurs prophètes, même dans l'Ancien Testament, il y a des exemples de prophètes qui ont combattu. Moussa, alayhi salam, il a combattu lorsqu'il est sorti d'Égypte pour prendre la terre de Canaan. Hein? Et on a vu ça, l'exemple de ça, c'est même mentionné, les exemples, même les détails des combats sont écrits dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Il y a l'exemple aussi des prophètes comme, par exemple, Sulayman, alayhi salam, et Daoud, alayhi salam. C'est mentionné dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, le combat de Daoud. Hein? Et comment ils ont même, Bani Israël, sont venus voir leur prophète pour demander qu'il leur désigne un roi pour combattre dans le sentier d'Allah. Et ça, c'est une preuve aussi que le combat, le djihad dans l'islam, il se fait uniquement avec les dirigeants. Ils n'ont pas dit au prophète, on veut combattre. Ils ont dit, désigne-nous un roi pour qu'on puisse combattre dans le sentier d'Allah. Ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Donc, ça, c'est un exemple. Et il y a également le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les prophètes, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le combat. Même que dans le Nouveau Testament, dans la Bible, on a même attribué à Jésus le fait qu'il ait dit qu'il est venu avec l'épée et qu'il n'est pas venu. Il a dit, je ne suis pas venu pour la paix, je suis venu avec l'épée. Ça, c'est des paroles qui sont mentionnées dans le Nouveau Testament attribuées à Isa alayhi salam. Et une des raisons pour ça, c'est qu'à la fin des temps, quand il va revenir, il va combattre. Hein, à la fin des temps, quand il va revenir, il va combattre. Donc, le combat, ce n'est pas quelque chose d'étranger à la religion d'Allah, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui va toujours exister. Et comme je dis, dans la charia de l'islam, c'est la même chose. Sauf que Il y a certaines personnes à notre époque qui ont fait, disons, qui sont sorties des limites des règles de l'islam dans les questions qui ont rapport avec le combat et qui en ont déformé la réalité et qui ont voulu peut-être imiter l'exemple des groupes non musulmans, même pour essayer de, yani d'interpréter le djihad comme certains parmi les kuffars, comme les communistes, les socialistes, comme les démocrates, les laïcs. Et eux, ils ont transformé le fait de combattre dans l'islam en yani quelque chose qui a rapport avec les révoltes et les manifestations, les révolutions contre les dirigeants. Et donc, eux, c'est ça ce qu'ils ont fait. Ils ont déformé le sens réel du djihad et ils en ont fait une justification pour les coups d'État et les révoltes et les rébellions contre les dirigeants musulmans. Et également, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils en ont fait quelque chose pour essayer de justifier le terrorisme et les actes de terrorisme et les attentats terroristes. Et on sait très bien que il y a une grande différence entre le combat que les prophètes ont mené contre les mouchriquins, contre les kuffars, pour établir la religion d'Allah, et les actes de destruction aveugle et de violence gratuite qui sont posés par certains groupes extrémistes qui suivent la voie des Khawarij à notre époque. Donc ça, c'est juste pour clarifier ce point-là. Et également, on sait que dans l'islam, le combat, il doit être fait avec la permission du dirigeant musulman dans les pays musulmans et selon les conditions et les règles de la charia de l'islam. Et parmi les conditions et les règles, c'est que c'est le dirigeant qui décide si on est en guerre ou si on n'est pas en guerre. Et c'est lui qui décide qui on attaque et qui on n'attaque pas. Et c'est lui qui décide si on fait une entente de paix ou si on brise l'entente de paix envers quelqu'un. Donc, si on a une entente de paix avec, si le dirigeant musulman fait une entente de paix avec les non-musulmans, dans ce cas-là, il faut le respecter. Et ça, c'est mentionné également dans les versets du Coran. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'ahd, l'entente, l'engagement qui est signé avec les mouchriquins. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, il avait signé l'entente de paix avec les mouchriquins de la Mecque. D'accord? Et c'est qu'est-ce qu'on appelle as-sulh al-hudaybiyya. Et donc, il a respecté cette entente-là jusqu'à ce que les mouchriquins eux-mêmes la brisent. Et c'est là par la suite qu'il les a combattus. Et l'ordre du combat, c'est pas quelque chose qui est limité à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui est valide jusqu'à la fin des temps. Mais avec la capacité, lorsque les musulmans sont capables de le faire. Et lorsque les musulmans ont la force nécessaire. Mais si les musulmans sont dans des situations de faiblesse ou dans des situations où ils n'ont pas les moyens nécessaires pour le faire, dans ce cas-là, ils sont excusés. Et ils commettent pas un péché du fait qu'ils ne le fassent pas. D'accord? Donc c'est ça. Et le but du djihad, c'est d'élever la parole d'Allah et d'établir le tawhid. C'est pas d'augmenter les richesses ou le territoire ou de combattre pour la fierté ou pour la gloire ou pour le courage ou pour d'autres choses de ces choses-là. Le combat qui est dans le sentier d'Allah, c'est le combat qui est fait dans le but d'élever la parole d'Allah pour que la parole d'Allah soit la plus haute. D'accord? Donc ça, c'est dans la religion, c'est ça la signification. C'est-à-dire pour que l'adoration d'Allah soit au-dessus et que l'adoration d'autres que Allah soit éliminée. D'accord? Pour qu'on cesse d'adorer autre que Allah. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui? D'accord. Donc, on arrive maintenant à la règle numéro 4. Et la règle numéro 4, c'est la suivante. الله سبحانه وتعالى الشيخ الذي وقال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. Donc ça c'est la règle numéro 4. Et c'est quoi la règle numéro 4? Le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit que les mushrikins de notre époque, il parle des mushrikins de son époque et de ceux qui existent à notre époque aussi parmi les gens qui vivent dans les pays musulmans et qui adorent les hommes pieux, les saints et les tombes, et qui vont faire des pèlerinages à leurs tombes et qui les adorent en dehors d'Allah. Ils font le tawaf autour de leurs tombeaux et ils leur offrent des invocations, ils leur font des du'as, ils leur demandent en dehors d'Allah. Ils font toutes sortes de formes de shirk. Ils égorgent et sacrifient des animaux pour ces tombeaux-là et ainsi de suite. Donc ceux-là, ces gens-là, yani, qu'est-ce qu'ils font? C'est du shirk, il n'y a pas de doute. Et le cheikh dit que ceux-là, ces mushrikins de notre époque, sont plus graves dans leur shirk. Leur shirk est plus sévère et plus dur, plus grave que le shirk des mushrikins d'avant. Les mushrikins de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux-là aujourd'hui, parmi les musulmans qui connaissent pas la signification réelle de l'islam et de la ilaha illallah et qui adorent des tombes et des morts, eh bien leur shirk est plus grave que le shirk yani de Quraysh par exemple, qui priait à des statues, à des idoles. Et le cheikh il dit, la preuve de ça c'est quoi? C'est que les mushrikins d'avant, ils faisaient uniquement le shirk dans l'aisance, quand ils étaient dans les moments de facilité et d'aisance. Mais lorsqu'ils étaient dans des situations de difficulté et des situations de danger, là, ils adoraient Allah seul. Ils cessaient de faire le shirk et ils demandaient à Allah seul. Tandis que les mushrikins de notre époque, leur shirk est perpétuel et permanent. Que ce soit dans les moments d'aisance ou de difficulté, ils font toujours le shirk. Et quand ils sont dans les moments de difficulté, même que c'est dans ce moment-là qu'ils font plus de shirk encore, contrairement aux mushrikins. Et la preuve de ça, c'est le verset 65 dans Surat Al-Ankabut, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsqu'ils montent dans le bateau, ils invoquent Allah en lui vouant un culte pur, et en étant mukhlis dans leur religion. Ils associent rien avec Allah. Ils font pas de shirk à ce moment-là. Mais lorsqu'ils ont été sauvés et ramenés à terre ferme, les voilà qu'ils retournent au shirk. Les voilà qu'ils commencent à faire le shirk à nouveau. Donc, ça c'est l'exemple qui indique que le shirk de ces gens-là, à notre époque, est plus grave et plus sévère que le shirk des premiers mushrikines à l'époque. Et donc le cheikh Saleh Ibn Abdel Aziz al-Sheikh Hafizahullah, il clarifie un peu plus cette règle, il clarifie un peu plus ce principe. Il dit « هذه القاعدة نتيجة لما سبق » يعني مرتبة أو مترتبة على ما سبق. وإذا تقرر أن المشركين في هذا الزمان من جنس المشركين في كل زمان من جنس مشرك الجاهلية وإن كانوا ينتسبون إلى الملة والإسلام ولهم صلوات ولهم تعبدات إذا كانوا من جنسهم والشرك الذي فعلوه هو الذي فعله الأولون وربما زادت الحال وهو الذي بينه الشيخ في هذه القاعدة بأن مشرك هذا الزمان أغلظ شركا من مشرك أهل الجاهلية. لما؟ لأن الله جل وعلا وصف أهل الجاهلية بأنهم يشركون في الرخاء، وأما في الشدة فإنهم يوحدون الله في الطلب والدعاء. قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فإليه يعني دون ما سواه فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. وقال جل وعلا في بيان حالهم وهم في البحر: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وفي الآية الأخرى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. Donc le cheikh il explique que les mushrikins de notre époque sont de la même catégorie que les mushrikins d'avant. On a déjà établi ça dans qu'est-ce qu'on a expliqué dans les principes, dans les règles précédentes et dans les principes précédents, que ce que les mushrikins faisaient à l'époque et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est la même chose. Ça, on est d'accord là-dessus. On l'a expliqué dans les cours précédents. Maintenant, on est d'accord sur ça. Malgré que les gens de la Jahiliya, ils ne se disaient pas musulmans. Et ils ne pratiquaient pas l'islam. Tandis que les mushrikins de notre époque, qui adorent les tombes et les saints et les morts, se disent musulmans et prétendent appartenir à l'islam. Et ils font la salat parfois. Et ils ont beaucoup de différentes formes d'adoration qu'ils pratiquent. Donc même si le shirk, ils font, c'est du shirk de la même catégorie que ce que faisaient les mushrikins d'avant, sauf que le shirk des mushrikins d'aujourd'hui, parmi les différents pays musulmans, qui, par exemple, parmi eux, ceux qui adorent les tombes et les morts, eh bien, on a expliqué que leur shirk est plus sévère et plus grave, comme le shirk l'a expliqué dans cette règle qu'on vient de lire. Et la raison de ça, c'est pourquoi? C'est parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les gens de la Jahiliya et a mentionné qu'ils faisaient le shirk, il mentionne en particulier qu'ils faisaient le shirk dans les moments d'aisance et dans la facilité, lorsqu'ils étaient sans aucun danger et sans aucun problème. Toutefois, quand ils étaient dans une difficulté ou dans un danger ou dans une situation de détresse, eh bien là, ils se tournaient uniquement vers Allah et ils devenaient des gens du tawhid. Ils appliquaient le tawhid dans ce moment-là. Ils adoraient seulement Allah et ils faisaient uniquement le dua à Allah seul. Et le cheikh, il cite des exemples de différents versets dans le Coran à ce sujet-là. Par exemple, le verset 53 dans Sourate An-Nahl. Et on va lire ensemble donc la signification de ce verset. Le cheikh, il dit, il cite le verset qui signifie: et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Puis quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à voix haute. C'est lui que vous implorez à voix haute. Puis après, le cheikh, il dit, c'est-à-dire, vous vous tournez vers lui lorsque tout va bien, lorsque vous êtes en difficulté, lorsqu'un malheur vous touche, vous vous tournez vers lui et vous oubliez tous les autres. Vous oubliez tout ce que vous adorez en dehors de lui. Et vous vous tournez vers lui et vous l'invoquez à voix haute. Et il dit ensuite, et une fois qu'il a dissipé votre malheur, voilà qu'une partie d'entre vous se mettent à donner des associés à leur Seigneur. Et la suite du verset, le verset 55, méconnaissant ainsi ce que nous leur avons donné, jouissez donc pour un temps, bientôt vous saurez. Donc c'est pour dire que lorsque ça va bien, ils adorent autre que Allah, ils reviennent au shirk. Donc ils oublient la détresse qu'ils ont eue. Quand ils ont eu un problème, ils ont adoré Allah seul pour lui demander de les sauver. Une fois qu'ils sont libérés et qu'ils sont sauvés et délivrés, là ils retournent encore au shirk. encore une fois. Le verset suivant que le cheikh a cité, c'est le verset dans Sourate Yunus 22 et 23. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exemple. Il dit, ce qui signifie, c'est lui qui vous a fait aller sur terre et sur mer. Quand vous êtes en bateau, ces bateaux les emportent grâce à un bon vent. Hein? Le vent, il est bon, il les pousse, surtout les bateaux à voile. Hein? Donc, tout va bien. Donc, ils s'en réjouissent. Jusqu'au moment où, assaillis par un vent impétueux, assaillis de tous les côtés par les vagues, se jugeant enveloppés par la mort, ils prièrent Allah, lui vouant un culte exclusif en disant, si tu nous sauves de ceci, c'est-à-dire de ce malheur, eh bien nous serons parmi les reconnaissants. Puis le verset 23, lorsqu'il les a sauvés, les voilà qui, sur terre, transgressent injustement. C'est-à-dire, il retourne encore une fois au shirk. Et le verset 65 dans Sourate Al-Ankabut que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité tout à l'heure. Et lorsqu'ils montent en bateau, ils invoquent Allah en l'adorant d'un culte pur, hein, en adorant Allah seul. Puis lorsqu'ils les sauvent, ils les ramènent à la terre ferme, les voilà qu'ils reviennent au shirk encore une fois. Et le dernier verset que le cheikh a cité, c'est le verset 32 dans Sourate Luqman. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie. On va le lire dans la traduction. Verset 32. Et parmi ceux... est-ce que c'est 32? Oui, c'est ça. Ok, donc c'est Luqman. Oui, et quand une vague les recouvre comme des ombres, ils invoquent Allah, vouant leur culte exclusivement à lui. Et lorsqu'il les sauve, les ramenant vers la terre ferme, certains d'entre eux deviennent réticents. Mais seul le grand traître et le grand ingrat renient nos signes. Donc ça, c'est des exemples que le cheikh a mentionnés dans le Coran à ce sujet-là pour établir la preuve que les mouchriquins de l'époque, ils faisaient le shirk seulement lorsqu'ils étaient dans les situations d'aisance et non dans les situations de détresse ou dans le danger. Et le cheikh il dit وَإِذَا تَأَمَّلْتَ حَالَ هَؤُلَا وَحَالَ أُولَئِكَ الْأَوَّلِينَ فَأُولَئِكَ يُشْرِكُونَ فِي حَالِ الرَّخَاءِ وَأَمَّا إِذَا مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءِ وَمَسَّتْهُمُ الضَّرَّاءِ فَإِنَّهُمْ يُخْلِصُونَ وَيُوَحِّدُونَ كما قال تعالى عن حالهم دعوا الله مخلصين له الدين أما مشركو هذه الأزمنة فإنهم إذا مسهم الضر فزعوا إلى العيدروس أو الحسين أو البدوي أو المغرناني أو إلى فلان وفلان أو إلى الموتى الذين يتوجهون إليهم إذا مستهم الضراء فزعوا إلى الأشجار وإلى الأحجار ونحو ذلك وهذا لا شك أنه أعظم من شرك الأولين لأن هؤلاء يشركون في الحالين والمشركون الأولون يشركون في حال واحدة ويوحدون في الحالة الثانية ولكن من يفقه هذا ومن يعلم هذا ومن يشف عليه هذا الأمر حتى يكون يقينيا عنده لا مراء فيه ولا لبس لأن بعض الناس قد يقول هؤلاء يصلون ويزكون ويصومون فكيف يكونون أغلظ شركا من الأولين نقول العمدة على أصل الدين لأن هذه العبادة بلا توحيد لا تنفع كما ذكرنا في أول الكلام فكما أنه لا تنفع الصلاة بلا طهارة كذلك إذا كانت هناك عبادة عظيمة مع الشرك فإنها لا تنفع ولا تقبل فكيف إذا كان يشرك في حال الرخاء وفي حال الشدة Donc le cheikh il explique que si on médite sur l'état des premiers mouchriquins et l'état des mouchriquins d'aujourd'hui, eh bien ceux des mouchriquins du passé, comme on vient de le prouver, ils font le shirk seulement dans les situations de facilité et d'aisance. Et lorsqu'ils sont touchés par un malheur ou par des problèmes, là, ils font une adoration uniquement à Allah. Et ils adorent uniquement Allah, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Tandis que les mouchriquins de notre époque, lorsqu'ils sont touchés par un malheur, ils se tournent vers autre que Allah directement. Hein? C'est-à-dire dans les deux situations, qu'ils soient dans l'aisance ou dans la difficulté, ils adorent d'autres que Allah. Et ils demandent à Al-Aidarus, ou bien Al-Hussein, ou bien Al-Badawi. Tu trouves ça chez les soufis, tu trouves ça chez les Shia, Rafida, beaucoup. Hein, ils adorent les imams de Ahlul Bayt, comme ils disent. Ali, wa Hussein, wa Fatima, et les autres descendants de Ali, radiallahu anhu. Et ils vont également faire des mosquées sur leur tombe, sur leur tombeau, et faire des pèlerinages là-bas. Hein, à Najaf, à Karbala, et à d'autres endroits. Il y a d'autres endroits, dans d'autres pays musulmans, où tu trouves ça en presque tous les pays musulmans. Presque tous les pays musulmans où tu vas, il y a ça. Il y a une mosquée, même, je pense, c'est Mazar-i-Sharif. Ça, c'est en Afghanistan, je crois. Mazar-i-Sharif. Là-bas, il y a quelqu'un qui est enterré à l'intérieur, non? Donc, c'est ça. C'est des exemples comme ça, des histoires comme... qu'est-ce que le frère, il raconte? Eh bien, Al-Hussein, Al-Badawi, ils ont tous des mosquées sur leur tombe. Al-Hussein à Karbala, Al-Badawi en Égypte, à Tanta. Hein? Il y a un recensement qu'ils avaient fait. Ils ont dit à peu près 3 millions de musulmans qui vont chaque année à Tanta pour le pèlerinage, adorer la tombe de Al-Badawi. 3 millions! Allah Musta'an. Al-Maghrinani, lui je ne le connais pas, mais c'est un autre parmi ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah aussi. Puis il y en a plein d'autres comme ça aussi. Allah Musta'an. Donc ils se tournent vers les morts et vers les tombes lorsqu'ils ont un malheur. Et je ne vous ai pas raconté l'histoire que j'avais dit à propos de Al-Hajj Omar Al-Fouti. Celui qui avait propagé la tariqa Tijaniya en Afrique de l'Ouest à l'époque. À la base, lui, c'est un soufi. Il a étudié avec beaucoup dans différentes tours soufis. Puis, à un moment donné, il est parti à la Mecque pour aller faire le Hajj. Et il est parti là-bas. Il a rencontré le successeur de Ahmed Tijan. Et il a pris la tariqa Tijaniya directement de son successeur. De successeur d'Ahmed Tijan. Alors, il est resté là-bas pendant plusieurs années. Après, le successeur de la tariqa lui a donné la mission de retourner en Afrique de l'Ouest pour propager la tariqa Tijaniya. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, à l'époque, la tariqa la plus répandue en Afrique de l'Ouest, c'était la Qadiriya. Donc, il a dit, tu vas aller là-bas, tu vas répandre la Tijaniya pour opposer la Qadiriya. Alors, il est arrivé là-bas, puis il a commencé à combattre. Il a combattu les animistes, il a combattu les autres soufis de d'autres turuq, jusqu'à ce qu'il réussisse à prendre le contrôle de la région. Et aujourd'hui, les musulmans du Sénégal, et d'ailleurs là-bas, ils se rappellent, surtout les Tijaniens, de Al-Hajj Omar Al-Fouti, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et bien lui, dans son livre qu'il a écrit, il a écrit un livre qui s'appelle « Rimahu Hisb al-Rahim ala Nuhuri Hisb al-Rajim ». C'est-à-dire les lances du parti de al-Rahim, c'est Allah, hein, les lances du parti d'Allah sur les gorges du parti de al-Rajim, le shaitan. C'est ça le titre de son livre. Et dans son livre, il dit que il connaissait une femme qui était, je ne sais pas si elle était devenue Tijaniya ou quoi. Puis, quand elle avait un malheur ou un danger, elle appelait toujours « Ya Abdel Qadir al-Jilani » pour demander l'aide. Et quand elle a une difficulté ou un problème. Donc, au lieu de demander à Allah, elle demandait à Abdel Qadir al-Jilani de la sauver. Et bien, lui, Al-Hajj Omar al-Fouti, il lui a dit « Ne demande pas Abdul Qadir. Au lieu d'appeler Abdul Qadir, appelle Ahmed Tijan. » Hein? Donc, il remplace un shirk par un autre shirk. Au lieu de lui dire, arrête de demander à Abdul Qadir al-Jilani, c'est un être humain. C'est un homme. Demande à Allah seul. Au lieu de lui dire ça, il lui dit non. Demande plus à Abdul Qadir al-Jilani, demande à Ahmed Tijan à la place. Donc il remplace un shirk par un autre shirk. Hein? Et c'est ça l'exemple de ces gens-là. Même dans les moments de difficulté, contrairement aux mushrikines d'avant, même dans les moments de difficulté, ils font le shirk. Donc c'est pour ça que le cheikh il a dit, leur shirk est plus grave et plus sévère que le shirk des premiers. Il dit, il n'y a pas de doute que le shirk qu'ils font est plus grave que le shirk des premiers, parce que les mushrikines avant, hein, ils faisaient le shirk seulement dans l'aisance, tandis que eux, ils le font dans les deux cas, dans l'aisance et dans la difficulté. Et donc, le cheikh, il dit, ça c'est un exemple de ça. Et il dit, mais qui comprend ça et qui connaît ça? C'est qui arrive à comprendre cet exemple-là et cette comparaison-là? Au point où il est convaincu et il n'a pas d'ambiguïté ou de confusion sur cette question-là. Il dit, parce qu'il y a des gens qui disent, mais comment vous pouvez comparer les mushrikines d'avant avec les musulmans aujourd'hui qui font la salat, qui font la zakat, qui font le jeûne, et comment vous pouvez dire que leur shirk est plus grave que le shirk des premiers mushrikines? Et le cheikh, il dit, il faut regarder à ce sujet-là la base de la religion, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le fondement de la religion? Il dit, parce que cette ibad, cette adoration qu'ils font sans tawhid, c'est-à-dire une adoration qui est basée sur le shirk, elle n'est pas profitable. Comme on l'a expliqué au début du livre, on a expliqué de ça au début, lorsqu'on a commencé la risala de Qawa'id al-Arba'a, le cheikh il a expliqué que si tu fais la salat sans tahara, sans wudu, ta salat elle n'a pas de valeur, elle ne va pas être récompensée, elle n'aura pas de valeur. Hein? Donc c'est la même chose pour celui qui fait des actes d'adoration, mais qui a du shirk. Sa prière ne sera pas valable, elle ne sera pas profitable et elle ne sera pas acceptée non plus, parce que c'est la base de la religion. Donc, comment pourrais-tu, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dis dans ce cas-là de la personne qui fait le shirk, non seulement dans les moments de d'aisance, mais également dans les moments de difficulté? Eh bien, c'est encore plus grave que celui qui le fait seulement dans les moments d'aisance. Donc, ça, c'est un point. Par contre, il y a une chose peut-être qu'il faut clarifier, c'est que il y a certains dans les pays musulmans, certaines personnes qui vont faire du shirk par ignorance, parce que on leur a pas enseigné la religion réelle, on leur a pas enseigné la réalité de la religion de l'islam, et donc à cause de leur ignorance, ils croient que ce qu'ils pratiquent c'est ça l'islam, ils croient que ce qu'ils font c'est ça qui est correct. Et donc, c'est pour ça que des ulama ont dit, si des gens sont dans des situations où ils n'ont pas accès à la science, où il n'y a pas quelqu'un pour leur expliquer la réalité de la religion de l'islam, ils vivent dans des régions ou dans des endroits où ils ne connaissent pas l'arabe et ils n'ont pas accès aux ulama et ne peuvent pas poser des questions non plus, et ces gens-là sont isolés, alors dans ce cas-là, ils sont excusés par leur ignorance. Et on n'a pas le droit de les déclarer dans ce cas-là mushrikin ou kuffar tant qu'on n'a pas établi la preuve contre eux et qu'on ne leur a pas expliqué clairement la réalité de l'islam. Tandis que ceux qui ont accès à la science et qui connaissent la langue arabe et qui comprennent le Coran et la Sunna, comme les gens dans beaucoup de pays arabes qui font le shirk alors qu'ils connaissent l'arabe et la grammaire et le nahw ou le balagh, ils connaissent le Coran et le tafsir et le fiqh et le hadith. Puis ils se justifient par la suite en essayant de justifier qu'est-ce qu'ils font en disant que c'est pas du shirk. Non, ceux-là, il n'y a pas d'excuse pour eux. Ou ceux qui ont accès à la science, qui ont accès aux ulama, mais qui ne vont pas poser la question pour essayer d'avoir la connaissance, ceux-là ne sont pas excusés dans ce cas-là. D'accord? Ça, c'est important de faire cette clarification-là. Toutefois, le cheikh, il continue, il donne un exemple après, il dit « وَذَكَرَ بَعْدُ الْعُلَمَا أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قبل انتشار الدعوة هناك ومعرفة الناس بالدعوة والتوحيد فقال له هذا العالم هؤلاء أهل الطائف إذا جاءتهم شدة فزعوا إلى ابن عباس ولا يعرفون الله، فقال له الرجل: معرفة ابن عباس تكفيهم. وهذا نوع من أنواع الشركيات التي تغلغلت في النفوس ونسوا معها الله جل وعلا في الرخاء وفي الشدة إلا ما ندر. وهذا كثير كثير اليوم. Donc le cheikh il donne l'exemple, il dit que il y avait, on a mentionné que certains ulama, lorsqu'il a rencontré un homme parmi les gens de Taif, avant que la da'wah au tawhid se propage dans cette région-là et que les gens connaissent le tawhid. Et il dit que ce savant, il a dit, les gens de Taif, lorsqu'ils ont un malheur, ils se tournent vers Ibn Abbas, hein, pour demander l'aide. Et ils connaissent pas Allah. Alors, l'homme a répondu en disant, le fait de connaître Ibn Abbas, ça leur suffit. Allah al-Musta'an. Donc, le cheikh, il dit ça, c'est un exemple parmi les sortes de shirk qui se sont infiltrés dans les âmes et que les gens maintenant, ils ont oublié Allah à cause de ça. Que ce soit dans les moments de détresse ou dans les moments d'aisance, yani, excepté un très petit nombre de personnes. D'accord? Donc, ça c'est un exemple. Et il y a des gens qui, justement, quand ils ont... Parce que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il commençait la da'wah à Mecca, les mouchriquins adoraient les idoles. Il y avait les 360 idoles autour de la Kaaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait. Quand il venait, qu'est-ce qu'il leur disait? Hein? Il disait, il les appelait, il disait « La ilaha illallah ». Et ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient pas les détruire, ces statues ou ces idoles. Et s'ils les avaient détruites ou s'ils les avaient cassées, eh bien, ce serait quelque chose qui aurait causé plus de tort que de bien. Parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas la capacité ou l'autorité pour être capable établir le tawhid avec la main, hein, par la force. Donc, ils patientaient. Et il continuait à appeler au tawhid dans des situations comme ça. Et même le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, lorsqu'il était dans sa région et qu'il voyait les gens, hein, au début qu'il commençait la da'wah, il voyait les gens qui allaient à la tombe de Zayd ou bien un autre parmi les sahaba et il les implorait en dehors d'Allah. Et qu'est-ce qu'il leur disait? Il ne pouvait pas le détruire, il n'avait pas d'autorité. Hein? Il leur disait, Allah est meilleur que Zayd. Il leur disait, Allah est meilleur que Zayd. Si vous voulez quelque chose, demandez à Allah. Hein? Donc, il se limitait à ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la capacité, hein, de changer le mal, d'éliminer les sources de shirk. Mais lorsqu'il a eu l'autorité, et lorsqu'il a été capable de le changer par la main, parce qu'il a eu le support de l'amir Mohammed ibn Saoud, et bien là, par la suite, il a été capable de les détruire. Hein? Et il n'y a pas quelqu'un qui allait venir par la suite pour les reconstruire ou les rebâtir ou leur dire « Non, il ne faut pas faire ça. Hein? » Parce que l'autorité, le gouvernement, c'est eux qui ont décidé de faire ça. Et là, c'était définitif. Il y a des gens dans les pays musulmans actuellement, des fois ils voient des exemples de shirk ou des choses qui sont, il y a des statues ou des tombes ou des choses comme ça. Eux, ils veulent aller par eux-mêmes pour aller détruire ces choses-là. Alors qu'ils n'ont pas l'autorité pour faire ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ils vont, ils les détruisent, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Ils se font eux-mêmes arrêter, et qu'est-ce qu'ils ont détruit? Ils le reconstruisent encore une fois, et plus gros encore, et plus grand encore. Donc, ils n'ont rien réussi, ils n'ont rien accompli dans ce cas-là. Au contraire, ils ont même encouragé encore plus les gens dans le shirk et la bid'ah. Parce qu'ils n'ont pas commencé par la da'wah, par l'enseignement, par l'éducation. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est resté 13 ans à Mecca, en train d'expliquer aux gens « La ilaha illallah » et pour les appeler au tawhid et leur expliquer qu'est-ce que c'est le tawhid. Il n'a pas commencé directement avec le fait de vouloir casser les statues. Parce que s'il les avait cassées, physiquement, ça n'aurait rien changé. Parce que les statues sont dans leur cœur déjà. Tu les détruis, mais ça les détruit pas dans leur cœur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a commencé par la da'wa pour détruire les idoles dans le cœur des mouchriquines en premier. Une fois qu'il a réussi à les détruire dans leur cœur et qu'ils acceptent le tawhid, là après, c'est très facile de les détruire physiquement. C'est un détail même. Hein? Donc ça, c'est une chose qu'il faut comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui, ils veulent sauter les étapes et ils ne comprennent pas la sagesse. Allah musta'an. Le cheikh, il dit ensuite, وَهَذَا كَثِيرٌ كَثِيرٌ الْيَوْمِ فَحَرِّكْ تَرَى وَالنَّاسِ فِي عَجَبٍ فِي هَذَا الْأَمْرِ وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى أَنْعَمَ عَلَيْنَا فِي هَذِهِ الْبِلَادِ أَنَّنَا لَا نَرَى وَلَا نَسْمَعُ مَا يُقَلْقِلُنَا مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الشِّرْكِيَّةِ وَالْكُفْرِ الْأَكْبَرِ وَالشِّرْكِ الْأَكْبَرِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Donc le cheikh il dit, et si tu regardes, tu vas voir aujourd'hui beaucoup d'exemples comme ça, hein, des choses étonnantes. Et il dit, dans notre pays, alhamdulillah, on est épargné de voir ce genre, ou d'entendre ce genre de choses, et de voir ce genre de choses parmi les différentes formes de shirk majeur et de kufr majeur qui sont pratiquées dans d'autres pays, hein, dans les alentours. Et il y a des gens actuellement qui détestent justement l'Arabie Saoudite à cause de ça. Ils détestent l'Arabie Saoudite et ils souhaiteraient qu'un jour ce pays s'effondre pour pouvoir rebâtir les tombes des soi-disant Aoulias qu'ils avaient détruits et pour ramener le shirk et les bid'as que la da'wa du tawhid a éliminé dans ce pays. Hein? Et c'est ça leur rêve. Allah musta'an. Donc le cheikh il dit, ومن ذهب إلى البلاد التي il dit ça c'est l'Wahhabiyya. On veut éliminer la Wahhabiyya comme si l'Wahhabiyya c'est l'ennemi de l'islam. Et l'allié de l'islam c'est qui? Les défenseurs de l'islam c'est les adorateurs des tombeaux et les gens qui fêtent les bid'as, qui font toutes sortes d'innovations. Eux sont les défenseurs de l'islam. Allahul Musta'an. C'est la religion tête en bas. Hein? C'est-à-dire ils l'ont renversé complètement à l'envers. Le cheikh il dit, ومن ذهب إلى البلاد التي تكثر فيها الشركيات وكبعض جهات مصر وبعض جهات السودان وإفريقيا وبعض الجهات الباكستان والهند ونحو ذلك والعراق وسوريا ونحو ذلك رأى عجبا والناس يتوجهون إلى هذه الأضرحة وإلى مدافن الأولياء بل وغير الأولياء ويعتقدون فيهم اعتقادات وجعلوا لهم نصيبا من الإلهية. Donc il dit, tu vas aller dans différents pays dans lesquels il y a beaucoup de shirk, comme certaines régions de l'Égypte, certaines régions du Soudan, certaines régions de l'Afrique, certaines régions du Pakistan, certaines régions de l'Inde, et en Irak et en Syrie. Tu vas voir des choses étonnantes. Et aujourd'hui, si vous ne pouvez pas voyager dans ces pays-là, vous avez juste à rentrer sur YouTube, vous tapez hein, la tombe des saints dans tel pays, vous voyez des choses là que les gens ont filmées, hein, comment ils font yani les tombes, l'adoration aux tombes et des choses de ce genre. Tout ça c'est documenté et filmé. Et il y a même des koufars, parmi les koufars, il y a des chrétiens et juifs et athées ou autres, dans les universités occidentales, hein, qui sont des anthropologues ou des ethnologues, ils vont dans les différents pays musulmans pour vivre parmi la population pendant un an ou deux. Ils écrivent des thèses sur les pratiques qui se font dans différentes régions du monde musulman. Et ils écrivent tous les détails de qu'est-ce qu'ils ont observé des pratiques de ces gens-là. Et j'étais tombé sur une de ces recherches qui avait été faite par une femme de la Hollande, une chercheuse de la Hollande au Maroc. Elle est partie au Maroc, elle a vécu quelques années là-bas et elle a écrit un livre qui s'appelle Les pèlerinages au Maroc. Et c'est une recherche qui a été faite pour l'université catholique quelque part là-bas dans les Pays-Bas, je crois. Eh bien, subhanallah, tu vois la description des mawasim, qu'est-ce qu'ils appellent les mawasim, C'est comme des périodes dans lesquelles ils vont célébrer la naissance du wali ou du sheikh ou de celui qu'ils considèrent être le sayyid hein, de la région. Et ils font des pèlerinages à cet endroit-là. Et c'est entouré d'un genre de, comment on appelle, une foire. Hein? En même temps, il y a une foire, vous savez qu'est-ce que c'est une foire? Hein? Il y a des jeux, il y a des amusements. Oui, c'est comme... C'est ça, exactement. Donc, ils font en même temps la foire et en même temps la visite de la tombe, la visite du wali, puis ils font toutes sortes de shirk et il y a même des choses haram là-dedans mélangées avec ça. Donc, ça c'est qu'est-ce que vous retrouvez dans ces pays-là. Et donc, tu vois, je ne sais pas pour quelle raison, mais les chrétiens, les juifs donnent beaucoup d'importance à ces gens-là et à ces pratiques-là. Il y a une partie de la raison, c'est même patrimoine national ou patrimoine de l'humanité. Mais il y a une des raisons aussi, c'est que eux, ils essaient de rapprocher les gens, de plus en plus les musulmans, ils veulent les rapprocher du christianisme. Et dans ces voies-là, ils voient qu'il y a des ressemblances avec le christianisme. Alors, ils les poussent et les encouragent. Et d'un côté, comme toi tu dis aussi, ils veulent... Hein, comme tu dis, comme ils disent qu'ils veulent contrer la montée de l'intégrisme. Et pourtant, quand tu regardes la montée de l'intégrisme, la plupart des mouvements islamistes, extrémistes à notre époque, sont sortis de chez eux, c'est-à-dire de chez les soufis. Hein? C'est prouvé que les Ikhwan, le fondateur des frères musulmans, les frères musulmans en Égypte, le fondateur était un soufi de la tariqa al-Hisafiyya, al-Shadhiliyya. Le fondateur de Jama'at Tablir, c'est un soufi aussi de la tariqa Jistiyya, Diobandiyya. Et la même chose pour le groupe de Abd Salam Yassine au Maroc. C'est des soufis. Hein? Et quel autre encore parmi les exemples? Ils ont dit Ben Laden, descendant du Yémen, d'une tribu de soufis. À la base, c'est un soufi, c'est pas quelqu'un qui est sur la sunna. Donc, c'est pour dire que la plupart de ces gens-là, c'est des soufis. Hein, et quand vous regardez justement ces gens-là qui n'ont pas de manhaj, qui n'ont pas d'aqida claire, ils prennent de à gauche et à droite, ils prennent d'un peu n'importe où leur religion et leur compréhension de l'islam, eh bien, c'est de ces gens-là que sortent la plupart du temps les extrémistes. Tandis que ceux qui ont une base dans la aqida et dans la compréhension du manhaj des salafs, eh bien, ces gens-là, en général, sont des gens qui restent sur la modération et sur le juste milieu et qui ne vont pas tomber dans les manifestations d'extrémisme. Mais parfois, qu'est-ce qu'ils veulent dire par intégriste? C'est pas nécessairement les extrémistes ou les terroristes, mais le musulman ordinaire qui s'accroche à la charia et à l'islam et qui prône les principes de la religion musulmane tels qu'ils sont dans le Coran et dans la Sunna et tels qu'ils sont enseignés par les ulama de l'islam. Et ça les dérange. Parce que pour eux, faire la prière 5 fois par jour, c'est extrémiste. Et c'est intégriste. Et porter le voile, c'est intégriste. Et distinguer entre ce qui est halal et haram, c'est intégriste. Et de défendre, par exemple, la charia, de croire en la charia, ça c'est de l'intégrisme. De croire que la parole d'Allah est au-dessus de la parole des hommes, c'est de l'extrémisme, c'est de l'intégrisme. De croire, par exemple, que la démocratie, ça, c'est quelque chose qui ne correspond pas à l'islam et que c'est pas acceptable en l'islam. On n'a pas besoin de ça, nous, les musulmans. Et de croire qu'on n'est pas d'accord avec la séparation de la vie publique et politique et sociale. Et les enseignements de la religion, et que dans l'islam, il n'y a pas la séparation entre ces deux choses-là. Que dans l'islam, on n'a pas besoin de séparer ces deux choses-là, parce que c'est une religion complète. Hein? C'est une religion complète qui touche à tous les différents aspects de la vie. Comme l'être humain, on n'est pas capable de le disséquer, hein? De couper l'être humain en différentes parties. Une partie, c'est juste économique, et une autre partie sociale, et une autre partie politique. Puis on coupe l'être humain en 4-5 morceaux. Non, l'être humain, c'est un tout. Et en cet être humain-là, il y a tous les différents aspects de la vie. Et cette religion, elle a été révélée par Allah pour régler tous les problèmes de l'humanité, pas seulement les questions spirituelles, mais tous les aspects de la vie en entier. Donc de vouloir séparer l'un de l'autre, c'est en réalité de vouloir déformer la réalité de l'islam. Donc pour revenir à ce que le cheikh il explique, il dit « Allahu Jalla wa ala lahu al-haq al-a'zam fi ikhlas al-din lahu wa a'zamu ma yastahiqquhu subhanahu an yu'bad an yu'abbad al-qalb lahu wa an la takuna thamma 'ibadatun illa lahu duna ma siwahu kama qala jalla wa ala فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وإذا كان هذا في الرياء أي يقصد المرء بالعمل غير الله جل وعلا ويقصد رؤية فلان فكيف بالتوجه بالعبادة لغير الله جل وعلا كأن يدعو غير الله أو أن ينظر لغير الله أو أن يذبح لغير الله أو أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فيتوجهون إلى الموتى ويعتقدون فيهم ويسمون ذلك السر ويقال روح السيد فيها سر ولهذا يجعلون مكان الروح كلمة السر مكان الروح كلمة السر فيقولون هذا له سر يعني وقدس الله سره لأنهم يجعلون الأرواح لأرواح أولئك أسرارا وروحه ليس فيها سر إلا سر صنعها وخلقها من الله جل وعلا فهذه الأرواح لا تغيث من استغاث بها ولا تعطي من طلب منها لأن ذلك كله ليس إلا إلى الله جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال جل وعلا مخبرا عن حال الكفار في النار أنهم قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين قال العلماء ما سواهم برب العالمين في أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون وإنما سووهم برب العالمين في العبادة وفي أن توجهوا لهم ببعض العبادة فصاروا مسوين لهذه الآلهة الباطلة بالله جل وعلا في استحقاق العبادة بأنهم عبدوا الله وعبدوا غيره وساووا الخلق بالخالق جل جلاله وهذا أشبع ما يكون من الظلم وأقبح ما يكون من الاعتداء على حق الله جل وعلا إذ حقه سبحانه وتعالى إجلاله وتعظيمه وتوحيده والإخلاص له والاعتراف له بكل كمال ووصفه جل وعلا بنعوت الجمال والجلال والكمال وأنه ليس ثم خير إلا منه سبحانه وليس ثم اندفاع شر إلا منه سبحانه فنحن إنما نتقلب في فضل الله ونعمته فهذا الأمر إنما يعود إلى أصل تلك الدعوات الثلاث نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وصلى الله وبارك على نبينا محمد. Donc le cheikh il termine cette risala par qu'est-ce qu'on vient de lire et on va donc terminer par la traduction de cette partie. Et le cheikh il dit Allah Jalla wa Ala, c'est à lui c'est à lui qu'appartient le plus grand des droits. Et c'est-à-dire le droit à l'adoration exclusive et pure. Et donc la plus grande chose que Allah mérite, c'est que notre cœur soit soumis à lui. Et il dit que il ne doit pas y avoir une adoration qui est faite excepté pour Allah seul. Et il mentionne l'exemple de la parole d'Allah dans le verset 110 dans Sourate Al-Kahf. Et donc, quiconque espère en la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une bonne action et qu'il n'associe rien avec son dans et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Et il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith qudsi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis celui qui se passe entièrement de partenaire ou d'associé. Donc, quiconque va faire une action dans laquelle il va associer avec moi, autre que moi, eh bien, je vais le délaisser, lui et celui avec qui il m'a associé cette action. Donc, ça c'est le hadith rapporté par l'imam muslim, selon Abi Huraira. Le cheikh, il dit, donc ça c'est en ce qui concerne la riya, l'ostentation. Donc, la personne qui fait une action, et dans cette action, son intention c'est de faire plaisir à quelqu'un d'autre que Allah, ou de se faire voir par autre que Allah. Donc, si c'est le cas pour riya, hein, l'ostentation, alors que dire de celui qui se tourne vers autre que Allah dans son adoration, et qui invoque autre que Allah, ou qui fait un vœu pieux pour autre que Allah, ou qui sacrifie un animal pour autre que Allah, ou qui cherche le refuge en autre que Allah, dans ce que seul Allah est capable de faire, ou qui appelle au secours autre que Allah, dans ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire, et qui se tourne vers les morts, et qui croit que les morts peuvent le sauver ou l'aider, et qui appelle cela, hein, il les appelle les morts, il les appelle sir, hein, le secret, le mystère. Et donc ils disent par exemple, l'âme du Seyyid, il y a un secret dedans, il y a un mystère dedans. Souvent vous entendez ça, les soufis, ils disent ça. Mon cheikh, il a le sir, il a le secret. Hein? Le secret de la caramilk. Oui, c'est ça. Si seulement c'était le secret de la caramilk. Allah musta'an. Non, c'est pas ça. Ils disent qu'il a le secret, c'est-à-dire que si tu l'invoques, son âme, hein, elle a un secret. Donc, si tu l'invoques en dehors d'Allah, elle peut te sauver. C'est ça le secret pour eux. Allah musta'an. Donc, c'est pour ça qu'au lieu de dire ar-ruh, l'âme, ils vont dire sir, le secret. Et donc, ils disent que lui, il a un sir, en voulant dire son âme, elle a quelque chose de mystérieux ou de secret, que si tu l'invoques, il va faire quelque chose pour venir t'aider. Hein? Il va venir à ton aide ou à ton secours. Et donc, ils font des âmes de ceux-là des secrets. Et le cheikh dit qu'en réalité, leur âme, elle n'a aucun secret, excepté le secret de celui qui l'a créé. Hein? Parce que c'est Allah qui a créé l'âme. Et donc, il n'y a pas d'autre secret que le secret de celui qui l'a créé. Et il dit, ces âmes, elles ne peuvent pas venir à ton secours. Hein? Les âmes de ces hommes pieux, là, ou de ces soi-disant hommes pieux, elles ne peuvent pas venir à ton secours lorsque tu es en détresse et que tu les appelles au secours. Parce que ce sont des morts. Ils sont morts. Ils ne peuvent pas t'aider. Et on ne doit pas leur demander quoi que ce soit. On doit uniquement demander tout cela à Allah seul. Et il mentionne le verset 166 dans Sourate Al-Baqarah qui explique qu'au jour de la résurrection, ceux qui ont suivi les gens de l'égarement, ils vont se désavouer de ceux qu'ils ont suivis. Ceux qui ont été suivis, c'est-à-dire ces gens-là qui ont été adorés en dehors d'Allah ou suivis dans le faux, ils vont se désavouer de ceux qui les suivaient. Istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u. Donc, dans cette vie, hein, eux, ils les suivent dans le faux et ils les adorent en dehors d'Allah ou bien ils font le shirk avec eux. Au jour de la résurrection, ils vont dire à ceux qui les adoraient et qui les suivaient dans le faux, nous, on ne vous connaît pas, on n'a rien à faire avec vous. Hein? Et ils vont voir le châtiment et ils n'auront plus de moyens, hein, ce jour-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il informe également à propos de l'état des kuffars dans l'enfer. Et ils disent que lorsqu'ils sont dans l'enfer, les kuffars, ils vont dire, les mushrikines, ils vont dire, comme c'est mentionné dans le verset 97 et 98 dans Surat al-Shu'ara, les poètes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, là, il cite l'exemple de la parole de ces kuffars dans l'enfer qui vont dire, par Allah, nous jurons, je jure par Allah, ou nous jurons par Allah, nous étions dans l'égarement évident lorsque nous vous mettions à égalité avec le Seigneur des mondes. Tallah, inna kunna lafi dhalalin mubin, in kunna lafi dhalalin mubin, idh nusawwikum bi rabbil alamin. Nous étions dans l'égarement évident lorsque nous vous mettions à égalité avec le Seigneur des mondes. Et les ulama ont dit, comment est-ce qu'il les mettait à égalité avec le Seigneur des mondes? Comment pouvait-il mettre les choses qu'ils adoraient en dehors d'Allah à égalité avec le Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, est-ce qu'il les mettait à égalité en disant qu'ils pouvaient créer ou donner la subsistance ou faire vivre ou mourir? Non. Il dit, c'est pas comme ça qu'il les mettait à égalité. Il les mettait pas à égalité dans la rububiyya. Il les mettait à égalité dans le sens qu'il leur offrait de l'adoration en dehors d'Allah. Hein? Et il se tournait vers eux avec certaines formes d'adoration qu'il leur offrait. Et donc, en faisant ça, il les mettait à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala en se tournant vers ses fausses divinités. Il mettait ses fausses divinités à égalité avec Allah dans le sens qu'il leur donnait un droit à l'adoration. Alors que seul Allah a droit à cette adoration-là. Et par le fait qu'ils adoraient Allah et qu'ils adoraient autre que Allah en même temps. Donc, ils mettaient la création à égalité avec le Créateur. Et ça, c'est une des plus grandes formes de il n'y a pas plus grande forme d'injustice que celle-là. Et il n'y a pas quelque chose de, il n'y a pas une transgression qui est plus laide que cette transgression vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son droit. Puisque, son droit, Allah subhanahu wa ta'ala, son respect et son tawhid et son unicité et la purification de son adoration pour qu'elle soit exclusive à lui et le fait de reconnaître que c'est à lui qu'appartient toute la perfection et de le décrire par tous les attributs de beauté et de majesté et de perfection, et que c'est de lui seul que vient tout ce qui est de bien. Il n'y a pas un bien qui vient de quiconque accepter que ça vient de lui. Et qu'il n'y a rien qui peut repousser le mal, un mal quelconque, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans tous les cas, peu importe la situation dans laquelle on est toujours entre la grâce et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le cheikh, il explique donc que tout cela revient donc à aux trois invocations que le cheikh a mentionnées au début de cette risala dans l'introduction, lorsqu'il dit qu'on demande à Allah de faire en sorte qu'il fasse de nous, qu'on soit parmi ceux que lorsqu'on reçoit quelque chose, on est reconnaissant, lorsqu'on est éprouvé par un malheur, on est patient, et lorsqu'on a commis un péché, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est comme ça qu'il termine cette risala de Al-Qawa'id Al-Arba'a. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alameen, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de pouvoir conclure donc cette risala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser donc le cheikh qui a écrit cette risala, ainsi que le cheikh qui a écrit l'explication de cette risala, Cheikh Saleh al-Sheikh, et en même temps aussi on remercie les frères de la mosquée Ahlul Athar à Québec de nous avoir accueillis pour pouvoir passer ces moments bénis ensemble et de faire en sorte que on puisse apprendre un peu plus de notre religion et qu'on puisse se rappeler de certaines des questions les plus importantes de notre religion, qui sont bien entendu les questions qui ont rapport avec la foi et les fondements de la croyance. Tu as une question à répondre? À la fin? Oui, lorsque tu reçois quelque chose, tu es reconnaissant. Lorsque tu es éprouvé, tu es patient. Et lorsque tu commets un péché, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, c'est le dua par lequel on commence, on a commencé en fait le cours. À l'introduction du cheikh, c'était ça. Et donc, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala vous aide encore à continuer dans cet effort-là. Et comme le frère Abdul Malik, il mentionnait que il souhaitait qu'on puisse recommencer des activités pareilles de temps en temps. Donc ça, ce serait quelque chose de bien. Donc on va essayer de faire ça dans l'avenir, Inch'Allah, le plus possible. Puis aussi, étant donné que vous commencez donc les efforts que vous avez faits dans la création et la mise en place de cette mosquée, de cette maison d'Allah pour établir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça c'est sûr que c'est quelque chose qui est obligatoire et quelque chose qui est vraiment quelque chose d'une grande importance et d'une grande valeur. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans ça de vous raffermir et de vous faciliter les choses. C'est sûr que ça demande une grande responsabilité parce qu'il y a toutes sortes de grandes responsabilités qui sont reliées à ça, puisque là maintenant vous avez votre lieu de culte et que vous êtes sur la sunna et sur la salafia. Donc ça veut dire que maintenant vous avez un lieu dans lequel vous pouvez vous réunir pour pratiquer l'islam tel qu'il a été révélé et tel qu'il a été suivi par les sahaba et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Et bien entendu, donc ça implique que vous devez être encore plus fervent et encore plus respectueux dans votre attachement à la sunna, dans le sens que les gens vont vous regarder, vous allez être un exemple pour les gens. Donc, ça veut dire que vous devez essayer de faire votre possible pour donner aux gens le meilleur exemple, le meilleur modèle. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donner aux gens le meilleur exemple, le meilleur modèle possible dans votre comportement, dans votre attitude, dans votre exemple. Et également, ça implique aussi que vous allez essayer de faire de plus en plus de da'wah, d'appeler les gens à l'islam. Donc ça implique que vous devez faire preuve de sagesse, de douceur, de gentillesse avec les gens. Et que vous devez vous référer aux hommes de science dans les questions dans lesquelles vous avez des divergences ou que vous avez des désaccords pour justement faire en sorte que ces divergences-là soient réglées, parce que ça c'est une des choses qui nous distingue dans notre da'wa avec les gens de la passion. C'est-à-dire que lorsque on établit une mosquée pour établir la religion d'Allah et l'enseignement de l'islam et l'enseignement des fondements de la religion et pour établir la da'wa de l'islam. Et si on a des problèmes ou si on a des conflits, c'est pas quelque chose qu'on a établi dans le but d'avoir du pouvoir ou de remplir nos poches ou de faire de l'argent avec ça. Non, c'est quelque chose qu'on fait pour établir la religion d'Allah. Donc, si on a un conflit, on va pas faire régler ça par vote ou régler ça par il y a des questions pour dire qui est plus, c'est qui a plus de nombre, qui est-ce qui est plus écouté, qui est-ce qui a plus d'influence. C'est la question, c'est à savoir, c'est qui est-ce qui a le ilm. Et c'est pour ça que on retourne aux hommes de science pour leur demander dans les questions dans lesquelles on a des divergences pour qu'ils nous clarifient quoi faire. Donc si vous avez des divergences entre vous, des choses que vous n'avez pas bien compris ou des accords sur certaines questions, vous n'avez pas besoin de rentrer dans des débats ou des disputes. Vous avez seulement à poser la question à ceux qui ont du savoir, à demander aux ulama. Et eux, ils vont vous répondre selon le Coran et selon la Sunna, la façon d'agir. Et c'est ça qui va trancher entre nous et qui va faire en sorte qu'on va pouvoir rester unis et fermes et forts sur la vérité, peu importe les différences qui vont se présenter à nous ou les problèmes qui vont se présenter à nous. Également, il faut que vous vous entraidiez les uns les autres parce que ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup d'énergie. Et à une seule personne, c'est pas possible. Une personne ne peut pas tout faire. Donc, la personne qui est en charge, la personne qui s'occupe de la mosquée, il faut qu'elle soit supportée et aidée par ses frères. Et il faut qu'il y ait d'autres qui soient là, présents pour combler le manque s'il y a un problème, s'il y a des manques ou s'il y a des difficultés. Il faut que les autres soient là pour aider lorsqu'il y a besoin de faire quelque chose. Il faut que chacun ressente sa part de responsabilité dans l'affaire et pas mettre le poids de la responsabilité tout sur les épaules d'une seule personne. Parce que souvent, ça, c'est malheureusement, des fois, c'est ça ce qui se passe. Les gens, ils disent, ah, un tel, c'est lui le responsable. Donc, ils disent, bon, finalement, c'est lui qui va régler ça. Nous, on reste assis, on fait rien. Non, c'est pas correct. Une autre chose aussi qui est très importante, c'est de faire beaucoup d'efforts pour, bien entendu, apprendre votre religion, étudier l'islam, faire en sorte qu'il y ait des cours dans votre mosquée. Si ce n'est pas des cours en direct, c'est-à-dire avec des personnes physiquement présentes, ben ce sera avec des personnes qui sont présentes par d'autres moyens, comme l'Internet, les communications, le téléphone, où maintenant il y a toutes sortes d'autres manières. Donc c'est très facile, Inch'Allah, d'organiser des cours périodiquement avec des frères de Tullab Ilm, que ce soit ici ou ailleurs, qui vont vous aider à avancer, Inch'Allah. Puis nous à Montréal, Inch'Allah, si on est capable de vous aider dans certaines choses, Inch'Allah, on va essayer de faire notre possible. Puis on va essayer de collaborer entre nous pour s'entraider, parce que c'est ça le devoir des musulmans, et en particulier ceux qui sont sur la sunna et la voie des salafs. On veut encore plus s'entraider parce que c'est l'islam authentique, l'islam des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Donc on essaie d'être un bon exemple. On n'est pas parfait et on prétend pas être parfait. On a des défauts, on a des manquements, on a des choses qu'on ignore. On essaie d'augmenter notre connaissance, d'améliorer notre comportement, d'améliorer notre islam pour être des meilleurs musulmans. Mais on n'a pas atteint encore le niveau qui nous satisfait. On n'est jamais satisfait, en fait, parce que peu importe qu'est-ce qu'on fait, on a toujours un manque. Donc on demande à Allah de nous aider à faciliter de combler ces imperfections, ces manquements et ces manques, et de faire en sorte qu'on soit des bons modèles, des bons exemples de l'islam et de la salafie. Et donc c'est ça. Et puis il faut être patient. Et le plus dur, c'est pas de commencer, mais c'est de rester. Souvent les gens, on dit, ah, ça y est, on a la mosquée, ça y est. Ça, c'est pas la fin, ça c'est le début. Maintenant, le plus dur, ça va être de continuer sur cette voie et de rester ferme sur cette voie jusqu'au bout. D'accord? Et il y a quelqu'un qui m'avait envoyé une parole dernièrement de Cheikh Ibn Baz, et j'ai beaucoup aimé cette parole.